Chapitre 14. Les 6 ou 7 semaines qui venaient de s'écouler n'avaient pas été joyeuses non plus pour le comte Xavier. Le désappointement qu'il avait ressenti et probablement aussi sa longue course à cheval sous un soleil brûlant lui avait donné dès le même soir un bel accès de fièvre qui revint plusieurs jours de suite à la même heure, de façon à ennuyer fort le médecin de l'endroit. Ce n'est pas que ce soit dangereux, disait-il à Sava. Mais ça menace de traîner en longueur, et la fièvre, quand ça traîne en longueur, ça devient facilement les fièvres. Alors, va te promener, on n'en sort plus. Ce langage, à la fois simple et éloquent, avait terrifié Sava, qui voyait son jeune maître malade pour la première fois depuis que celui-ci avait accompli sa dentition de 7 ans. Tous les saints de l'église s'étaient vus offrir des cierges, mais leur intervention n'avait produit que peu d'effet. Sava, réduit au désespoir, n'enterrait plus que l'ombre d'un menton dans sa prodigieuse cravate, et ses sourcils embroussaillés semblaient ne plus former entre son front plissé et ses yeux assombris qu'une seule ligne grise et menaçante. Plus que jamais il donnait au diable Marthe Menzel et sa fille. Son irritation était si grande contre le destin lui-même qu'il alla jusqu'à déplorer le changement de fortune qui avait amené à Bella, possesseur de tant de richesses, le jeune comte, jadis pauvre et heureux dans sa bicoque patrimoniale. Encore, si Xavier avait eu le délire, si dans son délire il nommait éclat, le vieux serviteur eut quelque excuse pour se mettre à la recherche de l'oiseau envolé, le trouver et le ramener. Foin de scrupules, Sava était prêt à fermer les yeux sur tout, bien mieux, à prêter son concours à tout, pourvu que la joie et la santé revinssent dans les yeux du jeune comte. Si celui-ci avait fait quelques sottises, Sava, la face contre terre, eût expié le péché par d'interminables prières et de rigoureuses macérations, en répétant nuit et jour « Seigneur, mets-tu sur moi, pécheur, le péché que j'ai fait commettre ?» Mais Xavier ne délirait pas. Assoupi par la fièvre, il restait des heures entières, les yeux à demi clos, regardant parfois un endroit sur le mur, après quoi, réveillé, il restait faible et silencieux, sans paraître rien souhaiter ni regretter. L'existence ne lui offrait plus de charme. Il ne s'en plaignait pas, seulement il ne désirait plus vivre et, ne savons-nous pas tous, que le désir de vivre est la seule chose qui nous fasse nous accommoder de la vie. Sava n'hésita plus. Il ne savait ni lire ni écrire et pour rien au monde ne se fût absenté, mais c'était un homme plein d'imagination et de ressources. Il dépêcha ainsi un neveu, âgé de 15 ans, avec un message verbal adressé à la comtesse et ainsi conçu. « Le comte Xavier est malade. Si madame la comtesse ne vient pas le soigner, il s'en ira bientôt dans le royaume des cieux. » C'était aussi clair que laconique. La bonne dame arriva le surlendemain. Afin de soigner son cher neveu, elle avait quitté ses enfants, venus tout exprès pour la voir. Mais au bout de 2 jours, elle vit que sa présence n'apporterait guère de soulagement au malade. « Si vous pouviez l'emmener, dit le médecin, interrogé, un changement d'air lui ferait peut-être du bien. » À l'idée de quitter Bella, Xavier éprouva un beau mouvement de colère, le premier depuis son chagrin. « M'en aller d'ici, jamais. J'y mourrais plutôt que de vivre ailleurs. » La comtesse n'en put tirer autre chose. Alors elle eut, elle aussi, une idée lumineuse et fit venir Sava. « Enfin, qu'a-t-il ? » lui demanda-t-elle. « Votre Altesse le sait mieux que moi, » répondit le fidèle serviteur. « Le jeune maître est amoureux. À ce point-là ? » fit la comtesse en ôtant son lorgnon. « Oui, Altesse. » « Eh bien, pourquoi ne ?» La bonne dame s'arrêta, ne sachant que dire. « C'est donc très compliqué, » reprit-elle au bout d'un instant. « Je m'en vais tout vous dire, » s'écria Sava, heureux de pouvoir enfin décharger sa conscience. Il dit tout en effet avec une telle sincérité d'accent que la comtesse en resta toute perplexe. Il ne souffla pas un mot des 2 bêtises entre lesquelles, d'après son humble opinion, Xavier n'aurait qu'à choisir, mais la noble dame n'en fut pas moins convaincue de l'inévitable dilemme. « Ce sont des dames respectables, » dit-elle enfin, sentant que le silence de Sava était un implacable point d'interrogation. « Je crois bien, » répondit-il, « et maintenant qu'ordonne votre Altesse ?»« Rien du tout, » fit la comtesse après avoir mûrement réfléchi. De retour auprès de son neveu, elle essaya quelques questions insidieuses, de nature à provoquer une confidence. Xavier resta fermé comme un coffre-fort dont on a oublié le mot, et sa tante renonça à l'espoir de provoquer des épanchements. « Puisque je ne puis rien pour toi, Je m'en retourne auprès de mes enfants, dit-elle enfin. Décidément, tu ne veux pas venir avec moi ? Non, merci, ma bonne tante. À propos, un faible sourire éclaira son visage, qu'est-ce que vous avez fait du petit Raphaël ? Mavra ? Elle est chez ses parents, en ce moment. Elle était palote. Je l'ai envoyée prendre l'air. N'as-tu rien à me recommander ? Xavier prit un air grave et étirant à lui un portefeuille. Voici mes dernières volontés, dit-il. Toute ma fortune liquide est là-dedans. Vous aurez la bonté, ma tante, d'en consacrer la moitié à la reconstruction du vieux château de Stanitsky. L'autre moitié, vous la remettrez à la personne indiquée dans ce papier, si vous parvenez à la retrouver après moi. Xavier ! S'écria la bonne dame. Tu perds la raison. Tu parles comme si tu allais mourir. Il hocha la tête d'un air significatif. Si vous voulez me faire plaisir, ma tante, vous mettrez les ouvriers dès demain à Stanitska. Bien, bien, je t'obéirai. Mais je compte bien que dans 15 jours tu viendras surveiller les travaux toi-même. Le jeune homme répondit par un vague sourire. La comtesse se retira le cœur serré. Si serré qu'à peine rentrée chez elle, elle fit en effet commencer les travaux de réparation dans la vieille maison.